fait l'honneur de venir nous parler aujourd'hui de l'avenir du livre, des éditions électroniques, animera un atelier sur la lecture en ligne, autour de l'algorithme et du bouton pour l'essentiel. Évidemment, il y a d'autres ateliers à l'équivalent avec Claudel et les métadonnées. Il faut faire passer le message que vous, Bernard, sera là, donc il faut du TEI leader dans les métadonnées, sinon il ne sera pas content. Il m'a demandé si ce serait politiquement correct ou pas. On verra ça tout à l'heure. Donc, je présente très très rapidement Hubert. C'est la personne qui a contribué le plus lourdement au Read Book, parce qu'il a écrit plusieurs chapitres. C'est un historien de formation, éditeur de formation, qui est devenu journaliste, donc qui a travaillé la cause, et qui a écrit 4000 billets sur l'évolution des rapports entre société et technologie sur Internet Actu, qui est un outil de veille indispensable à tous. Et il est le fondateur de La Feuille, qui est un des blogs les plus anciens et de référence également sur l'édition. Donc il nous fait l'honneur d'être là et de partager. C'est le plaisir. Et pour partager avec nous ses réflexions sur la direction que pourrait prendre l'édition électronique. Et ensuite, donc, il a une petite heure, et ensuite, on pourra le harceler de quelques questions, mais comme nous sommes fatigués, il n'y en aura peut-être pas pour jusqu'à 21h quand même. Hubert, c'est ça la parole. On m'a posé une question très difficile. Où va l'édition électronique? Je ne suis pas sûr d'arriver à y répondre. Cette question implique de parler d'un secteur en soi, de ce qui serait un secteur en soi, l'édition électronique. Et je dois confesser tout de suite que ce secteur m'intéresse en fait assez peu. Beaucoup moins que les pratiques, en fait. Les pratiques de lecture, les pratiques d'écriture et la culture liée au livre. Je me contenterai donc de dresser un tableau sur les transformations du numérique que le numérique va faire subir au livre, à nos pratiques de lecture et par-delà à nos métiers. La question principale, me semble-t-il, c'est de savoir comment le numérique transforme notre rapport au livre et à la culture et à la lecture. Deux remarques d'abord. Cette présentation, vous l'avez dans le Read Write Book, quasiment en intégralité. Elle n'est pas destinée au monde des revues, je m'en excuse. L'idée était de regarder, en faisant un peu de prospective, ce que devient le livre à l'heure de l'électronique pour vous éclairer sur comment le support que vous manipulez chaque jour va être transformé par l'électronique et par là même va transformer vos métiers. Mon propos, deuxième remarque, n'est pas d'opposer le numérique au papier. Je ne viens pas vous dire que le livre papier va disparaître, je viens vous dire comment il va s'augmenter via l'électronique. J'ai du mal à croire que dans 50 ans, nous n'aurons plus de documents papier autour de nous, mais j'aimerais vous dire pourquoi nous aurons de plus en plus de formes électroniques des livres autour de nous. Aussi surprenant que ça puisse paraître, un livre n'est pas défini par son contenu, par sa forme, par ses modalités de commercialisation, par son intégration dans une chaîne économique, mais par son support. C'est un assemblage d'un assez grand nombre de feuilles portant des signes à être lus. Ça, c'est la définition du Robert. Dans l'univers papier, on vend un contenu fixe dans des formats différents, brochés, poches, illustrés. Ce contenu se définit par son auteur et son éditeur. Il a un mode de commercialisation stable, un circuit de diffusion-distribution balisé, au format assez éprouvé que vous connaissez très bien, des formats établis, des modes d'accès simples, il ne consomme pas d'énergie, il n'y a pas besoin d'écran, de prise électrique, ni d'appareil de lecture. Il propose un contrat de relation et d'usage assez simple, complètement personnalisable. C'est la lecture. La grande question devient donc, qu'est-ce qu'un livre quand il n'a plus de support physique? Quand la forme matérielle qui définit son existence même n'existe plus? Voilà une question à laquelle il est très difficile de répondre. Parce qu'en dématérialisant l'œuvre, le format électronique détruit, c'est une destruction créatrice, mais c'est tout de même une destruction, détruit ce qui faisait la définition même du livre, son support. En remettant en cause son support même, l'électronique remet en cause tout le modèle du livre qu'on connaissait jusqu'à présent. Tant et si bien qu'on ne sait plus définir, on ne sait pas définir le livre électronique. Et c'est ce que disait Bruno Patino dans son rapport sur les livres numériques. On ne sait pas le définir. Je n'ai pas mis la petite vidéo parce que je pense que tout le monde la connaît. Je ne suis pas sûr en fait. Je l'ai montré à des gens. Elle est intéressante. Et... On peut la jouer si tu veux. Oui, je pense que c'est une bonne introduction. J'ai hésité à la mettre dans mon introduction générale. Je pense qu'elle est mieux dans le cas. Il faut la trouver sur Internet. Non, il y a le lien juste en dessous. D'accord. Normalement, ça y va direct. On ne l'a pas téléchargé avant, je suis désolé, mais... Non, mais c'est... C'est une vidéo d'un sketch anglais, d'une émission anglaise assez amusante. Je ne suis pas sûr que ça passe avec le débit qu'il y a ici. Qu'est-ce que tu dis? Ah bon, j'ai rien dit. On a tout le temps. Puis, de toute façon, il y avait Flickr dans les sous, le réseau dans les sous. Enfin, on a eu quand même plein de soucis, donc... Non, là où la vidéo est amusante, c'est justement elle donne par contraste qu'est-ce qu'un livre et qu'est-ce qu'un livre électronique. Et c'est là où elle est réussie. Mais à mon avis, on ne va pas y arriver. Hein. Elle apparaîtra ce que tu vas parler et puis elle apparaîtra plus d'un. Tu crois? Oui. Le réseau fonctionne. Ouais, ça ne charge rien du tout. Hein. Ouais. Continue, moi je bidouille. Bon, bah bidouille. Mais je voulais passer à mon autre slide, c'est pour ça. Ah, mais c'est parce qu'il l'a lu là, tu l'as lancé deux fois, Hubert. Je sais pas, c'est toi qui l'as lancé. Alors, ce qu'il faut, c'est mettre le son en fait. Ça fait super compliqué tout de suite. Ouais. Alors, avec le super haut-parleur, ça va être. Ja, så den jag får ju på någonting hela förmiddagen. Nej, jag beklagar att det tar tid alltså, känner ni håll på att lägga om till ett helt pris och se om då ska alla ha gett på en gång. Ja. Så det kommer inte in lite eller? Nej, men ligger det. Har du försökt att öppna den? Åpne den, altså hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo blitt helt kaldt helptest, skal det vel? Nei, det er ikke. Skal du ha en vann? Nei, det skal være en vann. Ja, sier. Du bare gjør... Sånn, ja, da vi i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Men så stoppet opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte å gå videre. Åja, ok. Nei, men du skjønner, inni her, så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i ett og ett ark, på den måten her. Så da er du over på neste side, sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså. Du blar, ja. Men jeg skal tilbake da. Ja, da bare blar du tilbake. Der, da er du tilbake til den teksten du hadde sammen. Ok, så den slutter der, og så fortsetter den der. Men når jeg skal avslutte den, hva gjør da? Da bare slår du sammen permene. Ja. På den måten der. Sånn. Da er det lukket der, ligger alt lagret inne der. Ok, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå. Ja, det tilfellet setter fyr på hele graden, det kanskje litt sannsynlig. Ja, ok. For det er liksom at når du har holdt på med skriftruller, så tar det litt tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Ja, det er over på det. Ja, men jeg vil prøve før det går. Jeg kan bare gå igjen en gang til. Altså, jeg åpner sånn, og så, hva er det du kaller det? Blar. Jeg blar. Blar, ikke det? Blar frem og tilbake. Og når, den ligger helt ligger, ja. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Oi. Flott, hit det. Kjempefint. Ja, men du, hei, sant? Nå er det sånn igjen, nå får jeg ikke åpne den. Det var feil siden. Du åpne med å åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, det er sånn. Åpne fra den siden der. Der nå. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med sånn. Åja, den igjen. Ja, men jeg tror det er samme problemer. Je crois qu'on y est arrivé. Voilà. Je vais le tweeter URL à la demande. Donc voilà, ça vous rappelle des choses, n'est-ce pas? Tout change. Quand on parle de livre numérique, on désigne dans notre esprit la même chose qu'un livre physique. C'est la même chose et en même temps, tout change. Le numérique transforme toutes les questions qu'on connaissait avec le papier. À défaut de nouvelles définitions, essayons de lister dans un inventaire à Prévert ce que ce changement technique change et comment. J'ai essayé, j'ai mis trois petits points en bas, hein, vous voyez, je ne veux surtout pas être exhaustif, mais tout est impacté par cette transformation. L'objectif, c'est de nous aider à donner des perspectives sur tout ce qui se réinvente sous nos yeux. Nous n'aurons pas le temps d'évoquer toutes ces questions, tous ces changements en détail. Nous allons essayer de comprendre ce qui se transforme avec l'électronique succinctement. Comment lisons-nous ? Dans son livre sur l'histoire de la lecture, Alberto Manguel nous rappelle qu'il y a autant de façons de lire qu'il y a d'individus et que chaque lecture que nous faisons est une appropriation personnelle d'une œuvre. Les sociologues de la lecture, comme Chantal Oliroux-Lafarge et Monique Segré, ne nous disent pas autre chose quand elles rappellent la diversification des pratiques de lecture qui varient selon le sexe, le milieu social, le niveau d'instruction. La lecture électronique, elle aussi, se vit dans des contextes. Les mêmes éléments sociologiques et personnels existent et sont à prendre en compte. On ne lit pas les mêmes choses sur un téléphone mobile, sur une liseuse, sur un ordinateur ou demain sur un écran de télévision. On ne lit pas de la même façon et on ne fait pas le même usage d'un document qu'on télécharge sur son ordinateur et d'un document auquel on accède uniquement en ligne. Non seulement les conditions de lecture sont différentes, lire aux toilettes, lire au lit, lire en mobilité, etc., mais la façon de lire est différente, lecture plaisir, lecture recherche, par exemple. C'est important, à mon avis, de comprendre cela, car ça va déterminer des usages, des modalités économiques très différentes. Je ne voudrais pas payer le même prix pour un livre électronique jetable, sous lequel j'ai un accès limité dans le temps, et pour un livre électronique dont j'ai besoin pour travailler, que je vais pouvoir conserver. Je vais privilégier un mode d'accès sur d'autres, selon mes modes de lecture. L'électronique décompose et révèle nos modes de lecture, justement, proposant pour chacun des modalités d'accès et de supports différents. Avec le livre, vos modes de lecture vous étaient personnels. Avec l'électronique, vos modes de lecture vont se différencier avec toutes les conséquences que cela va entraîner. L'électronique va démultiplier les formes et les supports de médiation autour des contenus. Un livre, vous pouvez en faire ce que vous voulez, le lire sérieusement, prendre des notes, le survoler. Vous pouvez le lire indifféremment sur le Vieux-Port de Marseille, dans un bus ou dans votre lit. L'électronique, lui, pour l'instant, complexifie tout cela. Vous ne lisez pas de la même façon selon le support que vous utilisez ou l'outil que vous utilisez. Pas plus que vous ne commentez le même livre de la même façon dans un forum généraliste ou dans une édition commentée entre spécialistes. Le but de l'électronique est de faciliter nos objectifs finaux, qui sont encore une fois, comme le disait Alberto Manguel, différents pour chacun. L'électronique personnalise nos lectures. Nous n'aurons plus un même exemplaire, mais chacun le sien, avec des couches d'informations qui nous seront personnelles en partie, et d'autres que l'on partagera avec nos amis ou avec d'autres lecteurs. Autant de formes de lecture, autant de supports. Car si le support disparaît, qu'est-ce qu'il remplace ? Voici un peu l'éventail des nouveaux supports sur lesquels le livre va être désormais accessible. Volontairement, je n'ai pas mis l'e-book au centre, parce que rien n'est moins sûr que l'e-book sur lequel se focalisent aujourd'hui tous les espoirs de la chaîne du livre, parce qu'il offre une plateforme sécurisée et rémunératrice, soit demain le mode d'accès central du livre. C'est déjà pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, à plus de 50%, les lectures se font sur un écran d'ordinateur. Au contraire, donc, les supports sont appelés à être aussi multiples que nos usages, c'est-à-dire que nos façons de lire. Aujourd'hui, les livres électroniques sont d'abord et avant tout accessibles sur des ordinateurs. Il n'est pas sûr que cela change demain. Il n'est pas sûr que les téléphones mobiles ou les liseuses soient demain les modalités dominantes d'accès aux livres électroniques. La connexion du livre à d'autres services risque d'être très importante pour profiter pleinement des capacités des livres au format électronique. Et ça, la liseuse le gère mal. La liseuse a du mal à se connecter à d'autres services qu'au livre lui-même. J'y reviendrai. Il faut aussi comprendre que le livre n'est plus seulement un support de lecture, pour autant qu'il l'ait été uniquement, mais il est aussi un support d'écriture. Il l'a toujours été, comme le rappellent les marges que nous gribouillons dans les livres, hein, qui sont parfois capitales. Moi, j'aime bien rappeler cet exemple. Dans les notes du procès de Jeanne d'Arc, il y a un clerc qui rédigeait donc les notes du procès et qui a fait un dessin en marge dans les notes. Et ce dessin, ça serait le seul dessin contemporain, la seule représentation qu'on a de Jeanne d'Arc. Il est là, dans les marges d'un livre, parce qu'un clerc a pris le temps de s'amuser à essayer de dessiner quelque chose. Le livre n'est pas que lecture, c'est aussi une interface adaptée pour écrire, chercher, noter. C'est le livre qui s'écrit et qui se lit. C'est le read, write, book. La question de la lecture, ce n'est pas qu'une question de mobilité non plus, comme voudraient nous le faire croire les liseuses et la lecture sur mobile. Toutes nos lectures ne sont pas mobiles. Il y a des lectures de travail, qui est certainement d'ailleurs des modes de lecture en développement, vu le temps que nous passons de plus en plus devant nos écrans, qui nécessitent de pouvoir annoter, mixer, compiler des textes. Le changement de paradigme que suppose le livre électronique ne signifie peut-être pas un accès partout, en tout lieu, à tout moment, comme le livre papier. Sa promesse première est de permettre de nouveaux contrats de lecture, de nouveaux modes d'accès au contenu, et il n'est pas sûr que ceux-ci soient principalement mobiles. Même si on a du mal à l'imaginer, le format électronique permet d'envisager de faire lire un fichier texte par une voix électronique, sur son poste de radio ou via un robot comme le Nabastag de Violet. Il va tout de même encore falloir attendre un petit peu, la technique est loin d'être au point, la synthèse vocale a encore beaucoup de progrès à faire. Si elle devient de plus en plus acceptable pour des phrases courtes, genre les GPS que vous avez sur vos voitures, les répondeurs automatiques, ces systèmes ont beaucoup plus de mal avec des textes longs, car ils ne savent pas vraiment où mettre l'intonation. Lirons-nous sur des écrans de télévision, comme nous pouvons désormais lire sur des consoles de jeux ou des téléphones mobiles. Dans cet éventail de supports et de canaux de diffusion, ne négligeons pas non plus la piste du papier. Je l'ai mis au milieu de l'écran, en fait. Le papier tissé d'électronique ou de conducteur alimenté par une pile avec une connexion radio capable d'appeler des contenus sur un écran de mobile ou de PC distant existe. On en connaît des formes dérivées dans les livres pour enfants. Et l'exemple que j'ai mis, c'est celui du Blue Book de Manolis Keladis. C'est un livre donc, sur lequel il a rajouté le papier en fait, tissé d'une couche d'électronique, enfin d'une couche de conductrice en fait. Et quand on appuie à certains endroits du livre papier, ça déclenche une réaction sur la puce qui envoie quelque chose à l'ordinateur ou à votre mobile et qui vous fait par exemple accéder à un dictionnaire, à une animation vidéo qui est liée à ce que vous lisez. Vous avez compris ? Bon, voilà. Le papier également va devoir se réinventer face à la concurrence de l'électronique et son électronisation pourrait bien en être une des formes. J'ai aujourd'hui publié sur La Feuille ce matin une interview de Frédéric Kaplan qui a été publiée cette semaine dans Livre Hebdo où justement il exploite un petit peu, il parle de ça, il parle de cette réinvention du papier qui va être obligé de réagir à la transformation de l'électronique. Je pense que demain, c'est un vrai défi pour les imprimeurs et pour les éditeurs également. Il faut retenir qu'il n'y aura certainement pas d'iPod du livre. N'attendons pas le lecteur universel qui prendra en main le marché. Favorisons la diversité et regardons avec intelligence les contenus qui sont déjà en train de partir derrière nos écrans. Il n'y aura pas de support unique, c'est le contraire qu'on constate. Une multitude de supports aux caractéristiques techniques et d'usage différentes. Taille des écrans, modalités, interface, hardware, système d'exploitation, software, dont la difficulté est de trouver les formats interopérables, d'inventer des interfaces qui s'adaptent aux conditions des supports. Le sacro-saint PDF, qui représente pour nous tous le livre au format électronique, qui singe la disposition du livre imprimé en étant inadapté à nos écrans, montre toutes ses limites à s'adapter à ces différents supports, à différents écrans de taille, de forme, de logiciels, des systèmes d'exploitation multiples. Les rêves de standardisation ne s'appliquent pas à tous les supports que nous avons énumérés, comme la télé ou les consoles de jeux, qui posent des problèmes particulièrement spécifiques. La grande transformation du passage du livre papier à l'ère électronique, c'est la recherche. D'un coup, le livre s'augmente d'une fenêtre nouvelle. La lecture n'est plus le seul mode d'accès à son contenu. On peut interroger les contenus, aller chercher ce qu'ils renferment, faire des interactions documentaires, c'est-à-dire croiser des contenus et des requêtes. La recherche plein texte est, pour ceux qui en doutent, la raison principale qui va nous conduire au basculement du papier à l'électronique. Ce sont, je crois, les capacités d'analyse qu'offrent les outils électroniques sur un texte qui motivent ce changement, car ces capacités d'analyse changent tout. Le livre est cherchable, il devient un nouveau continent documentaire. Dans son histoire de la lecture, Alberto Manguel ne parle quasiment, un livre qui a 10 ans, ça s'explique aussi, il ne parle quasiment pas en fait du livre électronique, il fait juste une seule référence au fait qu'il a les œuvres complètes de Shakespeare sur CD-ROM. En même temps, c'est une toute petite évocation de rien du tout dans les 300 pages du bouquin, mais pour moi c'est une évocation qui a du sens en fait, parce qu'elle souligne combien c'est la capacité d'analyse du texte qui va tout modifier. Pas sa capacité à devenir nécessairement multimédia ou sa capacité à être mobile, sa capacité d'analyse. Ce contenu textuel ne sera pas le seul à être important. Il va y avoir dans le livre électronique d'autres couches de contenu, comme les métadonnées, c'est-à-dire des informations descriptives et qualifiantes des contenus. Le texte est sémantisé, c'est-à-dire qu'on ajoute du sens aux mots écrits en les augmentant de précision de données. Une note de bas de page n'est plus un numéro dans un fichier, mais est reconnue par la machine comme une note de bas de page. Marseille est définie comme un lieu. Timorelli est un nom et ce n'est pas un ensemble de mots parmi d'autres perdus dans un texte. Un concept n'est pas un ensemble de mots, mais une étiquette qui dit « attention, ici, il y a un concept ». Une référence n'est plus une citation d'un auteur, mais c'est aussi un code lisible par une machine qui dit « ici, il y a une citation ». L'intelligence des données qui en est extraite ne va pas seulement nous donner accès à une nouvelle classe d'outils, comme l'évoquait Tim Berners-Lee à propos du web sémantique, comme on l'appelle, mais radicalement changer nos pratiques, notre regard sur celle-ci. La différence entre un livre papier et sa version numérique, c'est qu'avec le numérique, le livre physique porte sa propre ombre, son double, une ombre de données qui spécifie, qui précise le livre papier. C'est la fiche de catalogue, l'argumentaire que livrent les éditeurs. Cela va plus loin qu'un résumé et quelques mots-clés, comme on le voit sur les articles scientifiques ou sur les quatrièmes de couverture. Cette ombre spécifie qu'un titre est un titre, et de tel ou tel niveau, qu'une note est qu'une note, que tel mot correspond à un lieu, que tel autre correspond à un autre livre, à un auteur, à un concept, contient un lien, etc. Avec le numérique, les mots sont augmentés d'informations sur leur forme, sur leur sens, sur leur rôle. Ces nouveaux formats, ces données de données, ces métadonnées, il va falloir les produire, les spécifier, quelles données apparaissent ou pas, suppression d'images pour certains types d'éditions, etc. Les maintenir, seront-elles lisibles par les nouvelles versions logicielles de vos matériels? Il va falloir les fournir, les délivrer, les rendre accessibles avec le fichier du livre. Mais ce sont elles qui vont créer une valeur supplémentaire au simple texte. Si dans un livre, je cherche toutes les villes qu'il évoque, il faut que j'interroge le moteur avec chaque nom de ville qui existe. Avec les métadonnées, je cherche ville et le livre est capable de me sortir toutes les villes dont il parle. Les métadonnées sont un index intelligent qui assemble les synonymes, qui relie les concepts, qui augmente le livre d'informations qui n'y étaient pas. C'est certainement cela la peur principale de la numérisation des livres. C'est qu'ils vont devenir de nouveaux territoires documentaires. Mais l'électronique n'a pas que des avantages. Il brouille aussi plusieurs types de questions. Aujourd'hui, quand vous cherchez un livre sur Internet, que se passe-t-il? Vous arrivez chez Amazon ou Google Books. Aujourd'hui, quand vous cherchez un livre au format numérique sur Internet, la plupart du temps, vous ne le trouvez pas. Les livres ne sont pas accessibles sur Internet, à tout le moins pas sous forme numérique. Quand c'est le cas, les catalogues sont incomplets, éparpillés, très mal référencés. Mais c'est cela qui va changer dans les 10 prochaines années. Le web documentaire, ce web statique, en apparence, va exploser dans les années à venir. Outre la numérisation patrimoniale, les programmes Google Books ou Gallica, de contenus tombés dans le domaine public, les contenus d'aujourd'hui, les contenus vivants vont faire leur apparition également. Quand vous chercherez un livre qui vient de sortir, vous le trouverez en ligne, sous forme numérique, en tête de gondole de l'Internet. Les livres sont là, au milieu des contenus web, enfin accessibles. Accessibles ? Mais accessibles comment ? À quoi aurons-nous droit ? La question d'accès se brouille à l'ère du numérique parce qu'elle se complexifie. Comment rendre les contenus des livres, indexables par les moteurs, tout en continuant à les vendre et donc en limitant leur accès ? Comment les vendre ou les prêter, uniquement dans l'enceinte ou sur le site du libraire ou de la bibliothèque, uniquement sur un terminal qu'on prête ou vend également, limitant par là même les accès personnels et multiples ? La nature même du numérique, comme bien non matériel, qui ne se détruit pas quand on l'utilise, mais au contraire permet la copie multiple, bouleverse profondément ces questions. Le bon exemple, à mon avis, de cela, c'est l'exemple qu'il y a eu d'Amazon cet été avec le Kindle, qui retiré en fait des appareils des gens qui l'avaient acheté, des éditions, les éditions d'Orwell, 1984 et La Ferme des Animaux, parce que le Kindle les avait mis en ligne alors qu'ils n'avaient pas les droits dessus. Et il les a retirés des appareils. Aujourd'hui, on a accès aux livres de Deleuze, par exemple, sous forme numérique, uniquement sur les réseaux peer-to-peer. Vous ne pouvez pas vous les procurer autrement au format numérique. Ils ont été patiemment numérisés par des internautes qui ont numérisé les pages, passé une reconnaissance de texte, voire parfois retapé toute l'œuvre. Google Books nous donne des accès tronqués aux livres sous droit. Il manque des pages. Aurons-nous accès différemment aux livres selon que l'on sera abonné ou pas aux bonnes bases de données, comme c'est déjà le cas en bibliothèque, où vous offrez des accès à des bases de données auxquelles vos lecteurs n'ont pas accès chez eux? Aurons-nous des accès différenciés selon le niveau de revenus, les abonnements que nous paierons ou pas? Pourquoi l'accès est-il important, en fait? Comme l'explique Alberto Manguel, encore, la forme première de la lecture aujourd'hui, c'est la lecture savante, celle qui travaille avec le support livre. Aujourd'hui, le livre papier n'est pas fait pour travailler. Je ne peux rien faire avec. Je ne peux pas prendre de notes sans recopier. Je ne peux pas chercher dans son contenu, retrouver une définition, etc., à moins d'avoir un index, mais qui sont souvent incomplets. À l'âge de l'accès, on ne va plus avoir accès aux produits, mais au contenu. Chercher dans l'œuvre complète d'un auteur, pas seulement d'un Balzac, mais pourquoi pas d'un Jean-François Kahn, d'un Boris Cyrulnik. Chercher toutes les œuvres d'une période donnée, tous les livres sur 68, tous les livres écrits en 1968. Cette recherche savante ne concerne plus que les savants, mais tous ceux qui travaillent avec du matériel intellectuel, ce qui représente, j'en ai bien peur, de plus en plus de monde. Pour ma part, c'est là que réside la révolution du livre numérique. Cet accès-là ne va pas supplanter le livre papier, car ils ne sont pas concurrents une seule seconde. On parle d'une lecture, d'un usage qu'on ne peut pas faire avec le livre papier. Mais bien développer un nouveau marché, encore faut-il que l'écosystème qui va se mettre en place permette de le faire. Mais mes slides sont souvent des illustrations, en fait. Ici, je vous ai mis, par exemple, qu'est-ce que ça donne quand on cherche l'âge de diamant de Neil Stephenson sur Google. Je vous ai mis une capture d'écran de The Pirate Bay où, en cherchant Deleuze, où on trouve les livres. Et je vous ai mis une copie d'écran de Google Recherche de livres. Google Recherche de livres, c'est bien évidemment, c'est forcément un modèle et c'est forcément étonnant. Mais on a vraiment accès à des contenus de livres tronqués, coupés, etc. Mais des livres d'aujourd'hui sont accessibles vraiment par cette interface. À terme, il faut comprendre que cet accès va profondément modifier le modèle économique du livre. Dans l'ancien modèle, celui du livre papier, seules les publications les plus rentables existent, font l'objet d'une décision de publication favorable, explique Pierre Mounier de Monomericis et du Centre de l'édition électronique ouverte. La rareté est donc du côté des publications. Dans le nouveau contexte, toutes les publications possibles existent. Ce sont donc les lecteurs qui deviennent rares. C'est le fondement de ce qu'on appelle l'économie de l'attention, avec une conséquence importante. Si ce sont les lecteurs qui sont rares, et non les publications, relativement les unes aux autres, alors les barrières d'accès aux documents, l'accès sur abonnement par exemple, la possibilité de référencer des contenus, des livres pour qu'ils soient accessibles via des moteurs de recherche, deviennent contre-productives. Le principe de restriction d'accès est contradictoire avec la logique de ce nouveau contexte. Le principal souci des publications est désormais d'être lu, connu et reconnu. D'où le déferlement, notamment dans les pays anglo-saxons, de livres gratuits en ligne, d'accès à des revues en open source, sans abonnement, du développement du libre et du gratuit. Face à une offre pléthorique de contenu, l'essentiel est que les gens puissent accéder à vos ouvrages, quelle que soit la matière, la manière, le site, les modalités, gratuites, payantes, voire les deux ensemble. Les deux ensemble, pour moi c'est important, car rien n'interdit de donner le livre sur le site de l'auteur par exemple, et de le vendre sur d'autres sites. Il n'est pas sûr que tous les internautes se rendront jusqu'au site de l'auteur, au contraire même. Les motivations qui nous amènent en tant qu'internautes jusqu'à un point ne sont pas les mêmes les uns par rapport aux autres. On trouvera un livre gratuit sur le site de l'auteur, on le trouvera en mode payant parce qu'on est sur sa page, sur la page principale de son fournisseur d'accès. De même, on peut tout à fait imaginer des accès différents. Livre gratuit en simple consultation en ligne, livre payant pour en garder une version ou pour avoir accès à une version différente. Par exemple, un livre illustré par rapport à un livre normal. Accéder à un livre, à l'époque du papier, dépendait de modalités simples. Vous pouviez l'acheter ou l'emprunter. Avec le numérique, cette gamme des modes d'accès se complexifie. On peut le louer de nombreuses manières, n'avoir accès qu'à des extraits, n'avoir accès que sur certains types de supports, comme cherche à le faire le Kindle d'Amazon. C'était l'été 2007 maintenant, ouais. L'été 2007, Nicolas Kerr a lancé un pavé dans la mare avec son devenu célèbre « Est-ce que Google nous rend stupides ?» Je pense que c'est un texte que vous avez certainement lu. Il y expliquait en fait que depuis qu'il utilisait l'Internet, il n'arrivait plus à se concentrer à lire des choses longues. C'est la citation que je vous ai mis en fait que je vous ai mis ici. On ne sait plus ce que c'est que lire. Les sociologues sont un peu perdus aujourd'hui pour mesurer notre rapport à la lecture. Notre consommation annuelle de livres et de presse stagne, voire baisse. Et nous passons de plus en plus de temps sur le net. Le problème, c'est qu'on ne fait pas qu'y lire. On écoute de la musique, on regarde des vidéos, on écrit. On y lit aussi beaucoup. Le temps de lecture disparaît pour un temps concentré, entre autres, à la lecture. C'est le read, write, web. On lit et on fait d'autres choses également. On écrit, on joue des choses, etc. C'est assez important cette notion-là, c'est-à-dire la notion de qu'est-ce que la lecture aujourd'hui pose des problèmes. Quand vous demandez à des spécialistes de la question, ils ont du mal à la mesurer. Ils ont du mal à dire, avant, le temps de lecture était facilement identifiable, on pouvait dire sur une journée, j'ai passé 10 minutes à lire un livre. Aujourd'hui, essayez de dire combien de temps vous avez passé à lire. Pas qu'un livre, pas que de la presse, mais aussi sur Internet. Ça devient bien plus compliqué à mesurer. Si l'on en croit les neuroscientifiques, lire sur un écran, alors j'explique tout de suite, c'est un PDF sur un écran ou une page simple, sans lien, sans pas une page web avec une multiplication de sollicitations, pas un écran qui bouge dans tous les sens avec du Twitter par-ci, etc. Lire sur un écran active les mêmes zones du cerveau que lire sur du papier. Et pour un texte qui est fixe, figé. Voilà, si vous lisez une feuille papier ou un écran d'ordinateur sur ce ici, vous ne pouvez pas cliquer, quoi que ce soit, c'est la même chose. Par contre, bien évidemment, il y a une différence après de structure même, c'est que l'Internet est bien plus stimulant qu'une feuille imprimée. C'est assez normal, il y a des liens, il faut cliquer, vous êtes stimulé et dérangé et distrait par 10 000 activités qui ne viennent pas de la lecture en fait, qui viennent de tout le contexte qui est intégré à l'écran. La technologie en elle-même est neutre d'un point de vue de la lecture, mais il est juste de reconnaître que la connectivité de nos outils, elle, favorise notre dissipation et notre manque d'attention. Enfin, assurément, le rapport à l'information, à ce que nous lisons, est différent parce que la posture de lecture est différente. Avec le livre, je lis, je suis dans un moment à part, j'absorbe. Avec les écrans, ou avec un livre électronique, bien souvent, je lis et écris, je lis et communique. La posture de lecture, dont je vous parlais précédemment, n'est pas exactement la même. L'électronique brouille profondément les questions de lecture, nos façons de les mesurer, de comptabiliser les usages de lecture. Autre brouillage, c'est celui des modèles économiques, que je résume sous une chose un peu simple, c'est l'éclatement du modèle unitaire. La vente unitaire qui caractérise aujourd'hui l'économie du livre risque de voler en éclats à l'ère du numérique. D'abord, parce que la culture numérique est une culture de la gratuité. Attention, je fais référence malgré tout au livre de Chris Anderson, qu'on peut critiquer par plein d'égards, mais qui a aussi l'avantage de montrer que la gratuité est plus complexe que ça. Il y a de nombreux modèles économiques qui existent derrière. Ensuite, parce que dans une économie où l'attention est le bien le plus rare, l'économie de la culture va se redéfinir. Enfin, parce que le paiement unitaire n'a pas pour l'instant prouvé qu'il était le meilleur modèle économique de l'économie numérique. Les abonnements marchent souvent beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire que le paiement unitaire ne fonctionne pas en tant que tel, mais il est souvent plus difficile à motiver et surtout à renouveler et à pérenniser. Nous allons assister à des expérimentations multiples. Tout ce qui est explorer les avantages de la gratuité, notamment en matière de recommandation et surtout d'indexation. Comme je vous le disais tout à l'heure, ne pas rendre son contenu accessible sur le web, c'est rendre ce contenu invisible de ses lecteurs potentiels. Il faut profiter des effets de réseau pour rendre son contenu visible. Le Google Page Rank, ce sont les recommandations des autres, les liens qu'ils tissent vers vos contenus qui les rendent accessibles. Enfin, le produit papier n'est pas en concurrence avec le produit électronique. Pour l'instant, les usages ne sont pas les mêmes. Il n'est pas sûr que les gens qui téléchargent une œuvre gratuite l'auraient acheté. La plupart du temps, la possibilité d'accéder gratuitement au contenu favorise les ventes. C'est ce qu'assurent la plupart de ceux qui en ont fait en tout cas l'expérience concrète. Et revue.org n'en est pas dans le moindre exemple. En tout cas, la preuve du contraire n'a pas encore été faite. Ça veut dire aussi démultiplier l'exploitation du produit. Morceaux de livres, livres en préparation, épreuves, brouillons, livres avec et sans images, plus cher avec tel fournisseur d'images qu'avec tel autre. Livres épuisés, nouvelles diffusions, comme le journal de George Orwell qui a été rediffusé sous forme de blog à mesure, en fait, dans le même laps de temps que le journal était écrit. Ça veut dire découpage en morceaux, extrait, chapitre en train de se faire. Ça veut dire aussi vente de services, comme Amazon Premium, comme des résumés de livres, comme des plateformes de stockage et d'accès à ces livres électroniques pour y accéder partout, tout le temps. Vente d'accès à des bases de livres. Si vous ne connaissez pas, allez voir vraiment ce que propose Aurélie avec son Safari, en fait. Safari, c'est tout simple. C'est pour $40 par mois. Vous avez accès à tous les livres du catalogue informatique d'Aurélie. Et il y a d'ailleurs même plus, il n'y a pas que Aurélie, il y a d'autres 12, éditeurs maintenant. 12 ou 14 éditeurs de sciences et techniques. Voilà, 12 ou 14 éditeurs de sciences et techniques. Voilà un mode d'accès qui est complètement différent de la vente unitaire qu'on connaît. Ils annoncent que c'est leur deuxième libraire après Amazon. C'est le chiffre d'affaires d'un très gros libraire pour eux. Oui, pour eux, c'est le... Oui. C'est le deuxième libraire après Amazon. Voilà. S'ils considèrent dans les ventes d'Aurélie, en fait, c'est... Voilà. C'est dans les ventes d'Aurélie, leur deuxième point. Ouais. Tout à fait ça. Ce qui n'est pas peu, en fait. Non. Mais ça date de 2001-2002, donc ils ont eu le temps de... Oui, ça fait longtemps qu'ils... Ça fait longtemps, ils ont amélioré la formule, etc. Mais... Enfin... Ça me semble vraiment important. Deux choses importantes à retenir, à mon avis, dans ces nouveaux modèles économiques. Comme le disait Pierre Mounier toujours, nous sommes dans une économie de l'attention. L'important est d'imaginer des outils capables de retenir l'attention des gens. Quand Aurélie propose aux informaticiens d'avoir accès pour $40 à tous ses livres, il offre un service qui capte l'attention, qui offre plus que ce que les gens pourront lire, qui rend ses lecteurs captifs de sa marque et de son offre. Ça n'empêche pas beaucoup de ses lecteurs d'acheter des livres papier et d'avoir aussi accès à ces volumes électroniques. Mais dans l'offre qu'il fait, il capte l'attention de toute la communauté. Aujourd'hui, la plupart des informaticiens anglo-saxons sont abonnés à l'offre d'Aurélie. Dans une deuxième chose importante, dans une économie de l'attention, le plus important n'est plus le contenu. On le trouve ailleurs, on le trouve autrement, on le trouve toujours sous une autre forme. Le plus important, c'est le service que vous proposez. L'important, c'est le service ajouté et individualisé que vous allez apporter au lecteur. Quel est le plus que vous pouvez lui apporter ? Il faut garder, en gardant bien une règle importante en tête, pour tous ceux qui ont la lourde tâche d'imaginer les services numériques de demain, c'est qu'il faut donner du pouvoir à l'utilisateur. Plus vous allez lui permettre d'interaction, de liberté, de possibilité, plus il y a de chances qu'il vous utilise. Les offres trop fermées, exploitant un seul catalogue d'éditeurs, par exemple, trop limitatives, avec des DRM qui empêchent l'impression, la copie sur plusieurs supports, qui empêchent de prêter peut-être des morceaux de livres, etc., seront autant d'éléments qui ne joueront pas en votre faveur dans une économie de l'attention. Aussi surprenant que cela paraisse, le numérique n'a pas donné jusqu'à présent de forme littéraire vraiment nouvelle. La littérature hypertexte ou à contrainte n'est pas devenue vraiment grand public. Sauf si l'on n'écarte pas l'océan des formes courtes que le web a générées. Le web favorise la démultiplication des textes courts car il lui donne un véhicule et une place de marché, même si les échanges y sont gratuits, alors qu'il n'avait jamais eu d'espace pour cela. Hormis la presse, mais avec des critères qui excluaient beaucoup de formes courtes de la rentabilité économique de la presse. Aujourd'hui, sur le web, il y a une plateforme d'échange des textes courts. La blogosphère n'est que ça, quelque part. Et le web, en grande partie, n'est que ça. On y échange des textes, des formats courts. Peut-être qu'il y a de nouveaux contenus, mais que nous ne les voyons pas. L'œuvre que tisse François Bon sur son blog ou sur Twitter fait-elle partie de son œuvre au même titre que ses livres ? Les billets de blog sont-ils ces nouveaux contenus que l'on cherche désespérément des yeux ? Certainement, mais ils ne rentrent pas dans un marché institué, et c'est peut-être pour cela que nous ne les appelons pas ni des livres. Pour cela qu'il faut ni de la presse, pour cela qu'il faut un reformatage sous la forme de livres papier, comme le montrent les nombreux livres nés de blogs, en fait. Assurément, le numérique bouleverse les formes et les réinterroge. Est-ce à dire que nous allons vers la fin des livres dans la forme qu'on connaît, dans leur organisation intrinsèque, dans la manière dont ils sont pensés ? Incontestablement, le numérique les force à se réinterroger. Le blogueur Narvik va très loin dans ce sens puisqu'il affirme même que le livre, à l'image de ce qui est arrivé à la musique ou aux journaux, sera disloqué par le web. En ligne, le blog remplace le livre. Il dit « Le blog offre un nouveau format qui permet toujours de développer une pensée suivie avec la supériorité sur le livre, de le permettre de manière progressive, de montrer une pensée en train de se faire. » Je ne sais pas pour ma part si une pensée en train de se faire est supérieure à une pensée aboutie. Pour autant que nos livres offrent des pensées abouties. Mais cet exemple montre bien, à mon avis, comment les frontières qui séparaient les livres d'autres formes de texte se floutent. Le livre, sous sa forme numérique, ne fait pas que brouiller nos repères culturels, notre univers de référence. Il recompose également tout un champ de possibles. On va essayer maintenant d'égrener quelques-unes de ces perspectives. Aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez faire imprimer votre livre pour quelques dollars. C'est tout à fait ce qui a été fait avec le Read Write Book, qui a été imprimé en impression à la demande. Livre de photos, livre personnel, comme le livre de tweets de James Bridle. Il a récupéré tous ces tweets qu'il a accumulés depuis 2 ans. Il en a fait un livre, il l'a fait imprimer en print on demand. Vous pouvez compiler des contenus de votre choix, de Wikipédia, les imprimer au format livre, avec Pédiapresse par exemple. Vous pouvez composer vous-même votre guide de voyage en récupérant des contenus dans des bases de photos, sur Internet, sur des guides en ligne. Si demain je peux faire un guide de voyage pour la Chine, je vais pouvoir récolter les avis, les images, les commentaires, les bons plans d'amis qui sont déjà allés. Et on sait que les critiques et les avis de nos amis ont de l'importance pour nous. À l'aide d'outils en ligne, notre guide se composera un peu tout seul. Tout sera un peu automatisé. Les photos géolocalisées se placeront au bon endroit. L'expérience utilisateur sera radicalement transformée. La personnalisation devient un mouvement perpétuel. Si je reviens 1 an plus tard sur le site du guide de voyage que j'avais créé, que j'avais commencé à composer, il va se mettre à jour tout seul, en regardant l'évolution de mes centres d'intérêt, en prenant en compte mes nouveaux amis, en regardant les nouvelles photos qu'ils ont postées sur la Chine, parce que c'était un guide de voyage sur la Chine. Cette automatisation qui suit vos centres d'intérêt redonne un atout considérable à la personnalisation. Si nous filons la métaphore, alors qu'un guide de voyage normal n'est capable que de me sortir la liste des restaurants du quartier où je cherche un restaurant, en mettant des coordonnées précises au restaurant, en fait, le guide électronique est capable de me guider jusqu'au restaurant vraiment, de me dire ceux qui sont à proximité de moi, et non plus par rapport à des limites administratives comme on le vit actuellement dans les guides. Le contenu s'adapte à mon parcours, à mon contexte, à mon profil. Les contenus des guides se déversent dans des applications géolocalisées, au risque même que nous fassions encore plus qu'avant une lecture différente d'un même contenu, à la manière des livres dont vous êtes le héros. Nous n'irons plus des livres du début à la fin, car ils n'auront plus de début ni de fin, mais ils seront en passe de devenir des logiciels, comme on imaginait un petit peu les CD-ROM culturels d'antan. C'est le processus industriel de production du livre qui est transformé. Les moyens de l'industrie sont mis au service non plus du livre, mais de chacun. Le livre devient un produit personnel, un service qui s'intègre dans un ensemble d'autres services et d'autres outils techniques. Ah, bien sûr, un nouveau service, nouvelles interactions. Le livre devient l'un des constituants de la prochaine vague technologique, celle de l'Internet des objets. L'objet livre est capable de discuter avec tous les éléments électroniques d'une librairie, écran, mobile des clients ou d'une chambre d'enfant. Peut-être qu'on va essayer d'aller vous montrer une vidéo. Hop, ça y est. Ouais, celle-ci, là, la réalité de beaucoup de monde. Ouais. Non, la première. T'as intact. Ouais. Ok. Non, j'ai pas fait le lien, désolé. Juste vous montrer une vidéo justement parce que elle est assez parlante. Désolé d'avoir mal préparé cela. Je cherche sixième sens. Ça doit être la pub de Wired, en fait. Oui, que dans leur système, ils ont de la pub. Je peux pas baisser à droite, il y a un changement. Baisser quoi? Ah oui, si tu veux. Merci. Alors, il faut que je comprenne comment ça marche. Il est enfermé. Ah. Ouais, mais je sais pas les arrêter. C'est ça le problème de la technologie, c'est qu'après... C'est bon. Donc voilà l'exemple dans une librairie. En fait, le gars a un petit capteur devant lui qui est une caméra et un projecteur. La caméra prend le titre du livre, il regarde sur Amazon et il indique le nombre d'étoiles du livre, le nombre de recommandations du livre, en projetant dessus. La même chose. Voilà, il y a plus d'étoiles, vous voyez. Il donne même des informations supplémentaires, genre on peut accéder aux critiques ou aux notes. Donc là, ils ont fait depuis Amazon, mais on peut imaginer ce genre de système depuis d'autres choses. Et en plus... En 1943, Churchill gave a famous talk at Harvard University, in which he talked about the empires of the future being the empires of the mind. Voilà, on peut jouer le livre. Ok, exemple avec la presse, mais c'est le même système, hein, c'est-à-dire ça projette en fait sur le journal une vidéo liée au contexte. Ici, ça projette des métadonnées de la personne, en fait. Hein, qui il est, ce qu'il fait, ses centres d'intérêt, des petites étiquettes. C'est son nuage de tag. C'est son Vous lui présentez un billet d'avion, il reconnaît que c'est un billet d'avion et il peut vous dire les informations dont vous avez besoin. Ça, c'est à nouveau la pub. C'est fini, c'est la pub. Voilà, ce dispositif s'appelle Sixième Sens. Hein. Il a été mis en place par des étudiants du MIT. Le livre que vous prenez en rayon est analysé donc par l'œil de la petite caméra que vous portez comme un bijou autour du cou et qui projette sur la couverture du livre les recommandations des lecteurs de ce livre. Donc il a reconnu la couverture simplement par analyse d'image. Je mets un peu de lumière vivante. Oui, tu as raison. Dans les autres exemples qu'il y a à l'image, vous avez la chambre lumineuse de Philips, c'est un concept, un projet que j'aime beaucoup. Donc vous lisez un livre qui est ici, Le Petit Chapeau Rond Rouge, et en même temps que vous tournez les pages, en fait, la lumière de la chambre se transforme, s'adapte au contexte de l'histoire que vous êtes en train de raconter. Dans une bibliothèque ou dans une librairie, c'est ce qui est montré en haut à droite, c'est des chercheurs japonais qui font ça. Vous prenez un ouvrage, vous lisez la quatrième et ce simple geste déclenche une réaction en chaîne. Vous recevez sur votre mobile le résumé du livre. L'écran de la librairie qui est à côté des ouvrages affiche la fiche du livre et les recommandations des lecteurs. Si un autre livre recommandé vous intéresse, une lumière pointe ce livre dans les rayons. Parce que le livre a un identifiant RFID et la lumière est capable de vous dire où trouver ce livre pour vous en faciliter la recherche. Voilà. Nourri d'électronique, de nouvelles formes d'interaction physique sont possibles. Le livre devient une interface hybride, une passerelle entre les mondes réels et virtuels. Proposer des systèmes qui ne permettent que de lire, c'est oublier combien le livre et le texte sont avant tout des espaces sociaux. Pourquoi lisons-nous si ce n'est le plaisir passé pour partager avec soi ou avec d'autres ce que nous lisons, comme le monde chaque jour, les conversations du Web 2, les marges de nos livres que nous remplissons d'annotations. Le livre est un endroit où auteurs et lecteurs se retrouvent, explique Bobstein de l'Institut pour le futur du livre, qui affirme que pour nos arrière-petits-enfants, la lecture sera une expérience éminemment socialisée. Le livre demain ne sera plus un produit isolé, clos, fermé sur lui-même, pour autant qu'il l'ait été, mais un texte ouvert aux autres textes et aux lecteurs, et qui prendra du sens en s'intégrant dans l'écosystème des livres et des lecteurs. À la différence du monde physique, le lecteur est à portée de texte, de clic, d'écran, de l'autre côté d'une autre. C'est l'individu, ses préoccupations, ses passions, ses coups de gueule qui sont au cœur du Web 2, ce web férocement relationnel. Les lecteurs créent naturellement de l'interaction autour du livre pour créer de l'interaction entre eux. Le livre est un objet transitionnel parmi d'autres. Le web documentaire s'interface avec le web social, d'où la multiplication de ces sites sociaux autour de lecture et de lecteurs où les gens partagent leurs avis sur les livres. Une kyrielle d'outils, de widgets. Les widgets sont importants, ils permettent d'embarquer son information et de la disséminer en ligne. D'interfaces de programmation qui permettent des recombinaisons multiples et surtout, c'est le plus important, documentent ce qui se passe sur la plateforme. Le plus important n'est pas qu'on puisse mettre un commentaire, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Mais c'est de voir ce que font les autres commentateurs, ce qu'empruntent les autres abonnés dans votre bibliothèque. C'est toute la force des tendances de Library Thing, par exemple, qui montre le mouvement documentaire dont chacun participe, qui montre que les auteurs les plus lus, les plus critiqués, les plus discutés... Babelio propose chaque semaine le classement des livres les plus critiqués. Non seulement cette documentation participe de l'animation de ces plateformes, mais elle donne à voir ce qui s'y déroule. Elle fait apparaître la sociabilité autour du livre. Et cette sociabilité est primordiale. La lecture n'est plus une expérience solitaire. On peut lire précisément un livre à plusieurs, argumenter, commenter. Le lecteur, quand il lit le livre, se l'approprie. Discuter avec l'auteur sur son blog, mais aussi avec le texte, argumenter au plus près du texte. Ses commentaires, ses citations agrégées par le web redessinent à leur tour le livre, le réimpactent, permettant de voir les passages les plus lus, les plus commentés, les plus cités, les plus célèbres. Mais l'exemple, c'est que je vous ai mis ici, c'est Book Gluten. Donc c'est un système qui, en fait, avale du livre et vous permet de mettre du commentaire paragraphe par paragraphe. Et donc de pouvoir aller dans la profondeur du livre, de pouvoir commenter seul, à plusieurs, etc. Il y a plein de systèmes de plus en plus qui font ce genre de choses. La liseuse de PubliNet, par exemple, permet en fait à plusieurs lecteurs de pouvoir aussi commenter des livres, de voir les notes des uns et des autres. Les interactions des livres entre eux sont aujourd'hui invisibles, perdues au fond des notes de bas de page. En passant sous forme numérique, le livre entre dans l'écosystème des livres. Le livre entre dans le réseau des livres. Les algorithmes permettent de mesurer le nombre de livres qui font référence à tel livre. En scannant le web et les livres, on peut faire ressortir les passages les plus cités d'un livre ou les plus commentés. C'est vraiment ici l'exemple de Google Books, quand il cite les meilleurs passages, les références de lecture sur une page web, les références d'autres livres. Vous avez la même chose sur Amazon aujourd'hui, où il y a des fonctionnalités qui vous permettent de dire que tel livre, ce qu'il y a en haut à droite, c'est le manifeste du Parti communiste de Karl Marx, a été cité par tel et tel et tel et tel, et cité dans tel et tel et tel et tel livre. On n'accède pas seulement aux illusions perdues de Balzac, mais un système documentaire de ce livre, capable de vous dire quel livre cite ce livre, les passages les plus importants, en regardant dans d'autres livres les passages auxquels d'autres auteurs ont fait référence. Le livre s'augmente de données sur les lectures qu'en ont fait d'autres, et ces lectures deviennent des clés d'entrée dans l'œuvre, en plus de la seule lecture du livre, du début à la fin, que vous faites personnellement. Les commentaires de l'œuvre sont associés à l'œuvre. C'est en cela qu'il faut entendre la prédiction de Bob Chen que j'évoquais. La lecture n'est plus une expérience solitaire. En accédant au livre, à un article, on accède à son importance culturelle, au système qu'il référence. On saura le nombre de fois où il a été lu, téléchargé, qui le référence. On entre dans l'analyse documentaire du contenu. Le livre en réseau, c'est également un livre qui se branche sur d'autres services pour être augmenté, qui se connecte à des dictionnaires, à des encyclopédies, à des cartographies, à des banques de données, comme à des banques d'images. Quand vous lisez Terre de Feu de Francisco Coloane, vous avez forcément envie de voir des images de Punta Arenas. Vous avez besoin d'accéder à Flickr, par exemple, pour soutenir votre imaginaire. Le livre n'est plus seulement en relation avec l'écosystème des livres, mais également avec l'écosystème des applications et du web. Les livres deviennent eux-mêmes un champ documentaire, dit Olivier Hertschett d'Affordance. Ils deviennent un champ documentaire qui les dote d'une artefacture technique qui permet de transformer leur linéarité en dynamique documentaire inédite. Le livre sous forme numérique permet au contenu de prendre des forme d'analyse inédite, comme le montre le projet Booklamp. Alors, le projet Booklamp, c'est le truc qui est en noir, ici. Alors, c'est assez simple, en fait. Ici, ils ont pris des bouquins et ils les ont analysés. Ils ont fait passer des algorithmes qui analysent le contenu du livre. Le système est ainsi capable d'analyser la part des dialogues contenus dans un livre, sa densité, la part de description qu'il compose. Après, ils ont mis des tas de livres en relation, et donc si vous aimez des livres de science-fiction dialogués, vous apprécierez plutôt tel ou tel livre. Si vous aimez plutôt si vous aimez des livres de science-fiction riches en descriptions, vous auriez tendance plutôt à préférer tel ou tel livre. L'idée spécifique pour eux, c'est de s'en servir pour construire un moteur de recommandation inédit qui ne serait pas sur la proximité culturelle des œuvres ou des auteurs, mais qui essaierait de trouver des correspondances dans la forme même des livres. Le projet Witchbooknet, c'est un petit peu la même idée imaginée par des bibliothécaires britanniques. C'est un outil qui permet de vous aider à choisir vos lectures selon le ton du livre, optimiste ou désespéré, votre exigence de lecture, amusant ou sérieux. Là aussi, c'est encore une autre manière de faire des recommandations selon les critères qui peuvent relier des genres de littérature très différents. Autre exemple d'analyse sur lequel je vais passer, c'est celui parce qu'il est appliqué au FIB, c'est celui du logiciel Ligne de Temps développé par l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Pompidou. Je vous invite à aller voir, si vous avez le temps, d'aller voir ce logiciel, qui est un logiciel d'analyse de films, mais d'une complexité remarquable en fait, et en même temps qui permet vraiment d'accéder au contenu du film. Par exemple, vous pouvez sélectionner par ce logiciel tous les plans avec un personnage qui est pris de telle manière ou de telle autre. Parce que en fait, ils ont donné des métadonnées, ils ont créé des métadonnées et du texte sur tout ce qui, sur chaque scène du film. Ce sont des exemples qui montrent que par l'indexation, par les couches sémantiques que l'on peut ajouter au livre ou à leur description, on peut imaginer et concevoir de nouveaux outils d'analyse de texte ou d'accès à ceci. L'idée est ainsi d'imaginer de nouveaux outils d'analyse et de texte. On peut aller encore un cran plus loin avec... quand vous allez sur la page d'accueil d'Amazon, Amazon se souvient de vous. Personne ne voit la homepage d'Amazon de la même façon. Amazon vous propose, en fonction de vos précédentes requêtes ou selon la page d'où vous provenez, des contenus différents. Il se souvient des livres que vous avez consultés ou achetés ou que vous désirez acheter et vous les propose à nouveau, vous en propose d'autres sur des thèmes proches qui pourraient vous correspondre. Votre historique de lecture, de recherche et d'achat de livres va entrer en compte dans la manière dont vous allez accéder aux livres. C'est ce qu'on appelle le web implicite. Hein. Le concept du web implicite est assez simple. Quand nous touchons l'information, nous votons pour elle. Quand nous venons sur un billet depuis un article qu'on a apprécié, nous passons du temps à le lire. Quand on aime un film, nous le recommandons à nos amis, à notre famille. Si un morceau de musique résonne en nous, nous l'écoutons en boucle encore et encore. Nous le faisons automatiquement, implicitement. Mais les conséquences de ce comportement sont importantes. Les choses auxquelles nous prêtons attention ont une grande valeur pour nous parce que nous les apprécions. Le web nous donne justement l'occasion de capturer ce sur quoi nous portons de l'attention. Le web implicite est déjà une réalité, comme le montrent les moteurs de recherche et les moteurs de recommandation. Nos gestes, nos actions en ligne révèlent nos intentions et nos réactions. Nos achats, nos navigations, nos requêtes alimentent des moteurs de recommandation. Nous sommes passés, dit encore Olivier Hertzscherz, d'une toute puissance du lien hypertexte, point nécessairement nodal du développement du réseau et des services et outils associés, à une toute puissance du parcours, de la navigation qui fait sens, de la navigation orientée au double sens du terme. Vous ne connaissez certainement pas Beekeeper, qui est un service, l'image que vous avez en haut à droite. C'est un service accessible via Twitter, en fait. Vous envoyez un premier message à Beekeeper en indiquant l'ISBN du livre que vous êtes en train de lire. Vous prenez des notes depuis votre mobile, vous faites des citations, vous indiquez le nombre, vous mettez un exergue des passages, etc. Et le système est ensuite capable de compiler vos lectures, vous dire ce que vous avez lu, le nombre de pages que vous avez lu, à quel rythme. Vous portez un nouveau regard sur votre rapport à la lecture. Vous voyez apparaître la vélocité de la lecture, comme il l'appelle. De même, aujourd'hui, si vous utilisez Google Gmail, par exemple, Gmail est capable, c'est tronquer les messages que vous disiez. Quand vous lisez un mail sur Gmail, si vous l'avez déjà envoyé ou déjà lu, il tronque les passages que vous connaissez déjà. Le mail que vous avez envoyé, les passages sont tronqués, en fait. Et on peut imaginer compléter ça tout à fait... on peut imaginer ça appliqué au livre, en fait. Nos systèmes sociotechniques vont nous permettre de tronquer le contenu des livres auxquels on accède, de les déformer, de les adapter à nos connaissances, à nos plaisirs, à nos goûts. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas aller au-delà, mais que notre parcours passé sera aussi un guide dans ce qu'on lira. Imaginons que mon historique garde en mémoire tous les articles que j'ai déjà lus quand j'accède à un livre d'un auteur. S'il y a dedans des passages que j'ai déjà lus dans certains de ces articles, ceci se contracte, s'adapte à mon parcours. Un peu comme Gmail, reconnaît ce que j'ai déjà lu. Quand j'accède à nouveau à un article de Wikipédia, par exemple, je ne verrai d'abord que les nouveautés de la page par rapport à mon dernier passage. Notre historique va changer la manière dont nous accédons à l'information et au livre. Le parcours importe autant, au moins autant que le lien, dit Vannevar Bush, l'un des théoriciens de l'hypertexte, au moins autant, c'est dire si cet accès est encore amené à progresser. Développer des liens entre non pas les auteurs ou les œuvres, mais les concepts, les idées, les raisonnements. Aller un cran plus loin. Comme je le dis souvent, les recommandations sont imparfaites. J'aime bien citer cet exemple de 100 ans de solitude de Garcia Marquez. Ou dans le moteur de recommandation de Library Thing, par exemple, vous ne voyez pas Jorge Amado, qui me semble un écrivain très très proche de Garcia Marquez, et qui n'est pas recommandé dans les recommandations autour de ce livre. C'est dire si ces systèmes sont encore imparfaits. Faire le lien entre un auteur et tel autre, entre telle étude et telle autre, dresser le fil des connaissances, leur histoire, le parcours de la pensée qui nous amène d'une idée à l'autre au niveau de connaissances où nous sommes, et pouvoir regarder derrière, pouvoir mieux comprendre ce qui s'est passé. Le propre de l'écriture concrétise une pensée dans sa finitude. Avec le numérique, le texte est liquide, s'inscrit dans une continuité sans fin, ce qui pose la question de l'homogénéité, de la cohérence dans un sabbing constant. Qu'est-ce qu'on met en place pour restructurer la pensée, pour construire le fil directeur? Comment on recompose de la cohérence? Il faut s'interroger constamment sur le métier qu'on fait et comment la modernité le renouvelle. J'enrage beaucoup quand je vois mes amis bibliothécaires me dire qu'ils ont passé une demi-journée à cataloguer des livres, à faire des fiches descriptives, à refaire les mêmes fiches que ceux qu'on fait dans la bibliothèque d'à côté. Voilà, ça, pour moi, c'est combien de temps perdu à faire et à refaire ces mêmes fiches. Alors qu'on peut décrire les contenus de multiples manières aujourd'hui. Il y a tant à faire pour que le web documentaire ne passe pas à la trappe, ne passe pas après le web social qui explose aujourd'hui. Certes, la sociabilité en ligne est primordiale, mais la culture l'est plus encore. Pouvoir accéder de manière inédite aux profondeurs de notre culture me semble un objectif qui mérite l'attention et les efforts communs de ceux qui la détiennent, la préservent et la font vivre. Merci.